émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Kaina Samet. Passez une bonne soirée, bienvenue dans Planète Rap, le Planète Rap consacré à Kaina. Kaina Samet, notre invitée tous les soirs de la semaine, un mois avant la sortie de l'album, vous le découvrez. T'étais où? Oh yeah. Oh yeah. Salut tout le monde. Salut, t'étais où? Oh, j'étais dans les couloirs en train de discuter. Mais t'étais là il y a deux secondes, tu sors, je te vois plus. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, je suis une fille très sociable, donc moi oui, on parle. C'est vrai, on parle, donc forcément. On peut m'amener dans tous les thèmes. Tu vois, là j'étais ailleurs. Tu étais ailleurs, mais bien. Ouais, mais je suis là. Est-ce que tu étais bien ailleurs? J'étais bien ailleurs parce qu'on parlait de soleil, tu vois, on parlait du clip de Mon Paradis. Parce que les images sont arrivées lundi, c'est vrai, tu as raison de le rappeler. C'est ça, et donc on me demandait où est-ce que j'avais tourné le clip. Donc c'était à. En Espagne? En Espagne, c'est ça. En Espagne, ouais. À Majorque, donc voilà, j'avais la tête en Espagne. La tête à Majorque. Voilà. Bon bah bienvenue pour ton Planète Rap, c'est déjà la troisième soirée qu'on passe ensemble. Merci. Je disais, on est à un mois de la sortie. Ouais. Le 23 juin, sortie de l'album de Kaina qui va s'appeler Thug Wife. C'est ça, ouais. On a déjà découvert des extraits. Hier, on a eu un medley réalisé par First Mike. Et je crois qu'on a un deuxième medley qui est peu de choses près le même. En tout cas, on retrouvera des morceaux, mais avec que petits arrangements peut-être. Voilà, exactement. Ce sera ce soir. On fera aussi un jeu avec toi, un vrai ou faux. Mais alors cette fois-ci, c'est pas toi qui vas t'affronter avec Sopra, il est pas là, donc ouais. Tombe bien. Mais c'est un auditeur. Alors là, je demande vraiment solennellement à un auditeur ou une auditrice qui connaît Kaina sur le bout des ongles. Ah. Ou sur le bout des doigts, pour ceux qui seront les ongles. Allez-y, 41-759, vous laissez votre prénom, numéro de téléphone. C'est vous qui allez jouer au vrai ou faux et repartir avec l'album dédicacé en exclu de Kaina. Vous envoyez un message 41-759, mais il faut me dire oui, je connais Kaina par cœur. Parce que ça va être des questions. C'est toi d'ailleurs qui validera les questions et le vrai ou faux. Tu sais, dans le studio, là, tout le monde me fait des regards. C'est moi. C'est moi, je te connais par cœur, tu vois. Mais non. Vous pourrez juste mais souffler. Mais vous êtes là, vous n'avez pas le droit. Vous pourrez juste souffler. Voilà, je pense à Emma, je pense à Noémie. Non, il y en a quelques-uns, t'inquiète, ils me suivent depuis longtemps. Ils me ressortent des punchlines que moi-même j'ai oublié. Bon, bah allez-y, 41-759, laissez votre prénom, numéro de téléphone. On vous appelle dans un instant. On fera donc le vrai ou faux spécial Kaina. Yes. Avant 21h. On va aussi saluer ceux qui sont dans le sud, Midi-Pyrénées, je pense, qui ont du mal à nous écouter. Peut-être. D'accord. Il y a des orages et il y a 40 000, 60 000 foyers où il n'y a plus d'électricité. Ah, ok, donc voilà, bon courage à vous tous. Bon courage, ouais. Tous ceux qui sont touchés par les orages. Non, je dis ça parce que c'est vrai que ça coupe pas mal en ce moment. Donc, d'accord, ok. Ne vous inquiétez pas. Tout est normal, c'est les orages en ce moment. D'accord, ok. Et on espère que pendant une heure, ça va peut-être avoir une petite trêve. Ça peut sauter à un moment donné, on sait pas. Pour entendre la voix de Kaina. Et on va profiter aussi de ton Planète Rap pour se rappeler ce qui s'est passé hier soir. On avait Soprano en invité. Ouais. Et ça donnait ça. Voilà, je suis ravie qu'il soit avec moi ce soir dans mon Planète Rap. Et c'est monsieur Soprano qu'on ne présente plus. Non, voilà. Résident dans Planète Rap, bravo, on peut l'applaudir. Pour venir dans l'émission vendredi, chanter avec moi en live le morceau Mon Paradis. J'ai rêvé que je te serre dans mes bras, que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid. Et ton ombre pouvait marcher dans mes pas, papa, repose en paix, repose en paix. Tu prends ton smartphone, tu te filmes en train de chanter le premier couplet et le refrain de Mon Paradis. Et tu envoies ta vidéo à l'adresse mail jeconcourskainasamet@gmail.com. Allez, c'est parti maintenant avec le hashtag Kainasamet sur Skyrock. Vous réagissez à l'émission. Ton timbre de voix m'a donné mon nom et tes combats m'ont appris à marcher. C'est ta vision du monde qui m'a donné la vue. C'est en suivant tes colombes que j'ai trouvé la paix. Mais aujourd'hui, tu sais, je ne te reconnais plus. Je te sens abandonné. Je kiffe la life. Personne n'empêchera les gens de s'aimer. Je crois en nous, quoi qu'il se passe. On devrait céder avant tout. Nana. Ouais, quoi qu'il se passe, on doit céder avant tout. Nana. Kaina à l'instant. Avec Sopra. Et voilà, Kaina, on peut refaire la même, hein. Faites du bruit pour Kaina, s'il vous plaît. Les supporters et supportrices qui sont là dans le studio avec toi, ceux qui envoient des centaines, des milliers de messages avec le hashtag Kaina Samet sur Skyrock, ça arrive direct. Franchement, j'ai beaucoup de chance et je suis contente d'être là. Je suis super enthousiaste de pouvoir présenter ce projet. Ça sort le 23 juin. Pour ceux qui sont pas au courant, depuis lundi, il est dispo en précommande. Donc avec le morceau Mon Paradis, il y a aussi No Money et Bousillé qu'on a envoyé. Donc voilà, c'est les premiers extraits de l'album. Donc ça, si vous précommandez, vous avez déjà les trois premiers extraits. Voilà, déjà. Ça vaut le coup. Et puis voilà quoi, le jour de la sortie, vous avez ça qui arrive tranquille. Vous pouvez écouter. En tout cas, voilà, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est mon troisième album et Fred, c'est toujours un plaisir d'être là. Mais tu même sais que c'est partagé, oui. Voilà, on se donne du love. Et on va se donner beaucoup de love encore ce soir jusqu'à 21h. On débute d'ailleurs avec un morceau qui s'appelle Mon Paradis. Ouais. On disait le clip arrivé lundi, les images sont dispo, magnifiques images où on retrouve Kaina. Ouais. Et magnifique morceau aussi qui est extrait de Thug Wife. Yes. Sortie d'école, dans mon rêve j'écrivais des poèmes. Je me voyais te les chuchoter à l'oreille et je pensais pouvoir toucher les étoiles là-haut sur tes épaules. J'ai rêvé que je te serrais dans mes bras, que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Papa, repose en paix, repose en paix. Ils me diront c'est la vie dans la vie d'or. Chaque sapin de Noël, être auprès de toi était déjà pour moi le plus beau des cadeaux. Je te voyais souriant dans mon sommeil. J'espérais que jamais rien ne me réveille. Et tu seras toujours présent dans ma mémoire. J'ai ta voix qui résonne. Le morceau qui s'appelle Mon Paradis, extrait de Thug Wife à l'instant. Kaina, toujours autant de plaisir de chanter aussi. Ouais, je suis passionnée. Mmh. Je pense qu'on l'a compris. C'est mon troisième album. Ça fait un moment que je suis là et voilà, j'ai toujours la flamme. Toujours pas de la moment de doute où tu te dis bon. Si, forcément, il y en a. Tu vois, on est des artistes et puis même voilà, en tant que n'importe qui, a des doutes. Ça fait partie de l'être humain quoi, tu vois, on a tous des doutes, encore plus quand tu fais de la musique parce que c'est ta propre vision musicale et ta propre vision de tes titres qu'il faut transmettre aux autres. Et voilà, moi mon signal, la chose à laquelle je me réfère le plus, c'est voilà, c'est le cœur, c'est les émotions. Mmh. Donc ce genre de morceau, c'est vraiment évident pour moi, on va dire. Donc par exemple celui-ci, est-ce qu'il était un peu plus compliqué à faire que d'autres, cet album, ou que les précédents? Non, c'était le plus facile à faire, et pour moi franchement c'est mon premier album. À chaque projet on repart à zéro, tu vois, mais encore plus que tous les autres, celui-ci, voilà quoi, je l'ai porté à bout de bras, je me suis investi à tous les niveaux. Et il y a des morceaux comme Mon Paradis, mais il y a d'autres morceaux avec d'autres sonorités, mmh, justement, et j'ai suivi mes intuitions, on va dire. Bon, on va en découvrir d'autres aussi. On va passer Bousillé dans un instant. Ouais. Bousillé, c'est aussi fait partie des premiers extraits de cet album. Ouais. Bousillé, c'est un titre très important pour moi. Et Sopra en parlait bien hier et ça m'a beaucoup touché. C'est vrai que en termes de flow, de messages et d'émotions aussi, c'est un peu nouveau pour moi, et je suis contente de pouvoir défendre aussi ce genre de titre. Bon, Bousillé, on l'écoute. Je rappelle juste que le morceau que vous venez d'entendre s'appelle Mon Paradis, ouais, et que grâce à Mon Paradis, vous pouvez être dans Planète Rap après-demain. Voilà. En fait, demain, je vais donner le nom des gagnants ou gagnantes. Donc on a jusqu'à demain si on veut participer. On a jusqu'à demain, donc on va rappeler l'adresse mail. Il va falloir nous envoyer votre vidéo. Donc l'instru et les paroles sont dispo sur mon Facebook officiel ou sur mes réseaux sociaux, j'ai relayé l'info. Et là, vous envoyez votre vidéo à Jeu Concours Kaina Samet, donc au singulier jeu@gmail.com. Et moi, je regarde vos vidéos, j'en ai déjà regardé quelques-unes, j'ai déjà fait des présélections. Ouais, franchement. Et puis, voir d'autres personnes interpréter ta chanson. Ton morceau. Ouais, en plus, c'est un morceau hyper personnel, même si, voilà, il est assez large, on va dire, dans sa musicalité. Ça fait chaud au cœur, quoi. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Et faut y aller, quoi. Faut envoyer encore des vidéos parce que j'ai pas pris, ma décision finale, entre D'accord, guillemets. D'accord, bah, voilà. Allez-y, vous avez encore grosso modo 24 heures pour bombarder. Ouais, voilà. Enregistrez-vous, demandez, je sais pas, à quelqu'un de la famille, un pote, voilà, une copine, n'importe qui, de vous enregistrer. Exactement. Il y a le couplet, le refrain à faire. Voilà. Vous l'envoyez à Je Concours Kaina Samet. gmail.com. C'est ça. Allez-y, vous bombardez, et peut-être que vendredi vous êtes dans l'émission avec nous. Voilà, pour chanter avec entre plaisir. 20h et 21h. Ça va être un beau moment, j'en suis sûr, et voilà, ça va le faire. On n'a pas donné de nouvelles de ton portable, si justement, pas j'allais te dire, je il arrête pas de sonner. Je vois clignoter, il est devant toi le portable. Merci à tous ceux qui appellent. T'as décroché un peu messages. Ou... Ouais, bien sûr, moi je décroche pas toute la journée, mais j'ai des petits moments où je décroche. Et franchement, les gens, c'est que du soutien, c'est que du positif, ils sont contents, moi je suis contente, donc c'est cool. Et puis, il y a quelques messages aussi qu'on m'a laissé, des messages vocaux, tu vois, sur la messagerie du téléphone. Donc on va les passer aussi demain, je crois. Ah, on les passe demain. Ben voilà, on aura un petit medley des messages. Un petit medley des messages. Donc continuez à bombarder. Mais voilà. C'est 06 66 31 92 44. T'as une bonne vue. Je sais lire à l'envers. Voilà. 06 66 31 92 44 pour joindre Kaina, et on écoute le morceau Bousillé avant de faire aussi le vrai faux. Kaina, on aura un auditeur ou une auditrice en ligne avec toi dans un instant. Ça marche. Hey, ma bousillé. Oh, mais il avait les mots, j'étais sous le charme, à deux sous le préau, préau, préau. Il avait les clés de mon vague à l'âme, il était mon héros, héros, héros. J'ai masqué les bleus sous le mascara, je suis tombée de très haut, très haut, très haut. Libre sous les coups d'un homme éteint, fléau, fléau, fléau. Bousillé, bousillé, bousillé, il m'a bousillé, bousillé. C'était lui ou moi, je l'ai su trop tard. C'est pas mon Roméo, Méo, Méo. Je n'en ai pas, de mort à la zéro, zéro, zéro. Je fais le choix de ranger mon ego, ego, ego. Libre sous les coups d'un homme éteint. Bousillé, bousillé, bousillé, bousillé, bousillé, bousillé. j'arrive plus à voir le bout du tunnel. J'ai peur qu'il devienne fou et qu'un jour il en vienne à me tuer. Skyrock et c'est le Planète Rap à l'instant avec Aïna Samet et Bousillé qu'on écoutait à l'instant. Ouais. Extrait de Thug Life, un morceau qui touche beaucoup de monde. Hein. Je vois les messages, regardez les messages défiler pendant le morceau. Voilà, ouais. Bousillé, gros morceau. Aïna, t'es la meilleure. Merci beaucoup, merci à tous. Ça n'arrête pas de défiler. Voilà, mais tout le monde d'accord, Aïna. Allez-y, 41759 avec le hashtag Aïna Samet sur Skyrock. Vous envoyez tous vos messages, ça arrive direct dans le studio. Ouais. On va faire ce petit jeu ou pas? Tu es prête? Ouais, enfin, avec plaisir. Toi, t'as rien à faire à part te suivre. Imagine, je dis non. Non, il m'intéresse pas ton jeu. Non, merde, là. Bah écoute, avec Iman, on le fera tout seul tout à l'heure. Avec plaisir, Fred. Je te présente Iman de Paris. Allô, Iman. Bonjour. Salut, comment Iman. Ça va, Iman? Bah, ça va bien et vous? Bah, écoute, pas mal. Ouais. Est-ce que tu connais Aïna sur le bout des ongles, Iman? Bah, je pense la connaître, mais si je me trompe, bah, on verra bien. Attention, il faut répondre à toutes les bonnes questions et tu repars avec. On exclut l'album dédicacé Thug Wife de Aïna. Ça marche. Prête, Iman? Oui. Allez, on y va pour la première question. Aïna Samet, c'est en hommage à Aïna, reine des Aurès, ainsi qu'à sa grand-mère maternelle. Vrai ou faux? Faux. Ah. Ça commence fort, Aïna. Non, je comprends pas. La réponse. La réponse. C'est vrai. Voilà. Ah, bon, allez, on va dire que c'est la première. Iman, on va dire que c'est la première, tu t'en sors bien. Bon, alors, la réponse, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que chercher un pseudonyme, un peu comme tous les artistes, on cherche un nom de scène. Et Aïna, c'est la reine des Aurès. Donc, c'est la première femme à avoir dirigé une armée d'hommes. Et elle avait des pouvoirs divinatoires, elle pouvait voir l'avenir dans les pierres, elle avait une grande crinière, tu vois, c'est une guerrière, quoi. C'est une guerrière, comme voilà. Moi. Comme moi, moi je suis une guerrière aussi. Donc ça m'a beaucoup parlé, j'aime bien Aïna. Salut, c'est moi, enchantée. Et ben voilà. Voilà. Et grand-mère maternelle. Grand-mère maternelle, parce que Samet, c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle, d'accord, en fait. Donc, Kina Samet, you know? Ouais. Tu vois? Voilà, mais ça claque en même temps. Hein. Voilà, c'est pour la petite histoire, ouais, c'est vrai. Tu as de la chance que ta grand-mère s'appelle pas Germaine, un truc comme ça, Aïna, ouais. Germaine, ça leur a un petit... Oh, on sait pas, tu sais, il y a des Germaines qui ont fait des carrières. Hein. Oui, mais Aïna Germaine, ça leur a fait un petit peu moins fait. C'est vrai. Voilà. En tout cas, bon. Iman, allez, on va dire 1-0. On va dire 1-0. Allez, 1-0. Bah, oui. Ok, super. Est-ce que Aïna a voulu arrêter sa carrière après le morceau Écorché Vive? Vrai ou faux? Faux. Tiens, c'était ce morceau-là, écoute bien, ça va être que concentre-toi. Concentre-toi, Iman. Je me concentre. C'est toi, hein? Ah bah, ça marche pas, donc comme ça, on n'aura même pas l'extrait. Je peux te le faire. Voilà. Ce matin, je me sens pas bien. Je me sens pas belle et pas comprise. C'était ça, en effet. Donc. Est-ce que tu as voulu arrêter ta carrière après Écorché Vive? Iman, tu dis quoi, vrai ou faux? Moi, je dis faux. Aïna? Moi je dis faux, hein. Faux. Attends que je pose la question. Est-ce que c'est vrai qu'après Écorché Vive? Je m'en rappelle plus. T'as peut-être dit ça dans une interview en disant oui, j'ai failli tout arrêter après. Ouais, c'est possible. Non, mais c'est vrai que. Mais je suis pas la seule, hein. Mais c'est vrai que des fois on a envie de tout arrêter, on se comprend, tu sais, on va pas faire nos. Oh, je vais tout arrêter, voilà. Mais bon, ça peut arriver, oui, effectivement. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai voulu mettre un peu le frein, voilà quoi. Peut-être, bon, on va dire que c'est bon, allez pour Iman, 2-0. Elle a de la chance, Iman, elle s'en sort bien. Mais parce qu'on est sympa, nous. On est très sympa. Tu joues, mais tu gagnes, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça, en fait. Attention, concentre-toi, s'il te plaît, Iman, je sens qu'on est en train de te perdre en ce moment. Non, elle est. Non, mais non, motivé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce qu'il est vrai que Aïna ne se couche jamais sans avoir fait un big up à sa team sur Twitter? Ah, ouais. Et on arrête de souffler. Bah, c'est vrai qu'elle se couche jamais. Enfin, vrai, oui, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Bravo. C'est vrai que ça, c'est un rituel. Écoute, ma foi, mes cyber friends, je les ai dans le cœur. Non, mais c'est vrai que voilà, je suis sur les réseaux sociaux et voilà, j'aime bien discuter avec les uns et les autres. Voilà, je suis sociable. Ouais. Je suis très sociable. Et puis voilà, on échange. Voilà, moi, j'aime les autres et voilà, les gens qui me soutiennent, ils sont là, ils savent que voilà, j'ai toujours un petit mot pour eux, actu ou pas, on est présent et voilà, c'est cool. Bon, Imane, dernière question, vrai ou faux? Ok. Écoute bien, il y a peut-être un piège. Ah bon? L'album de Kaina qui sortira le 23 juin prochain va s'appeler Thug Life. Mais non, c'est Thug Wife. Bravo, c'est bon. Et ben tu le recevras cet album, on te l'envoie dédicacé, Imane. Merci. Ok. Merci beaucoup, merci. Imane. Est-ce que tu veux dire un petit truc à Kaina? Profites-en, c'est le moment ou jamais. T'as une super belle voix, continue comme ça et bonne chance dans la vie. C'est gentil, merci beaucoup. Je te souhaite la même. Merci. Merci. Bisous, Imane. Ciao, passe une bonne soirée. On va revenir dans un instant. Qu'est-ce qu'on mettra le medley? Tu veux qu'on mette un autre morceau? Il y avait aussi, je crois qu'on avait prévu de passer. Ne dis pas, parce que toi, t'as la langue. Yéma. Ouais, ben voilà. Non, c'est ça, on a dit. C'est vrai, ouais. Non, parce que, voilà, c'est bien aussi de rappeler ce que j'ai pu faire précédemment. Et Yéma, c'est un morceau vraiment. Bon, j'ai l'impression de présenter tous les morceaux comme ça, mais c'est vraiment un morceau qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Et pour ceux qui l'ont découvert, c'était sur le précédent projet à cœur ouvert. Mmh. Et donc, ce morceau aurait pu être dans mon album. Il y avait un très beau clip aussi. C'est vrai, ouais. J'ai eu la chance d'aller en Jordanie, tourner le clip dans le désert. Il y a le clip qui est disponible, si vous voulez aller le voir sur YouTube. Il est là. Et Yéma, je disais, c'est un titre où je parle de ma mère, en fait. Et je me suis mis dans la peau de ma mère qui parlait à ma grand-mère, en fait. Ma mère qui a quitté l'Algérie, etc. Donc, je raconte bien dans le titre. Donc, à Samet. Ouais. Si je suis bien. C'est ça, ouais. T'as bien suivi l'histoire familiale. Et donc, ce morceau aurait pu être dans cet album. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait être dans tous mes albums, en fait. Donc, ça me fait plaisir de le passer ce soir. Eh ben, on l'écoutera dans un instant, ce titre qui s'appelle Yéma, juste après la pub. Yes. On aura aussi le medley à passer. On a parlé d'un morceau qui s'appelle Kingston aussi, on m'a dit. Ouais. Ça, c'est un extrait de l'album. Eh ben, très bien. Donc, voilà. Exclu? Exclu, ouais. Exclu hein. Total, Kingston à écouter. Kingston, voilà. Eh bien, ne bougez pas, c'est juste après ça sur Skyrock. Et notre invité, c'est Kaina Samet. Comme toi, Kaina Samet a choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec le son Yéma maintenant. Yes. On en parlait il y a quelques minutes. Kaina Samet, notre invitée dans Planète Rap. Tu me manques, je revois ton regard à la fenêtre quand j'ai franchi la porte. Le soir où j'ai traversé la mer pour rejoindre la côte. Et toi, toi qui n'as jamais cessé de prier pour moi, loin des yeux mais pas du cœur, je reviendrai sur mes pas. Kina, la nuit soir. Ce sourire posé sur ton visage, l'odeur du jasmin sur tes doigts. Et je me dis que les meilleures années de ma vie sont restées derrière moi. Tu me manques. Je t'ai dans la peau, Yema. N'oublie pas que je t'aime, loin de toi, Yema. Yemma, à l'instant, un morceau donc qui pourrait figurer sur tous tes albums. Ouais. Presque. Merci beaucoup. C'est Gaïla. Momo, il se gratte la tête, mais qu'est-ce que c'est. La sécurité, s'il vous plaît. Il est motivé. Il faut faire évacuer 4-5 gars. Non. Parce que vous pouvez monter de toute urgence. Merci à tous. Ouais, non, donc écoute, ce morceau Yemma, c'est vrai qu'il peut être parallèle avec tous les albums, en fait. Ouais, ouais, parce que c'est mon histoire, c'est l'histoire de ma mère, de ma grand-mère, c'est l'histoire de plein de femmes. Et c'est un titre qui a touché beaucoup de monde, et jusqu'à aujourd'hui, je reçois énormément de messages. Le clip est vraiment à la hauteur du morceau, et je suis vraiment fier d'avoir fait ce titre. On va rappeler que la prod, c'était Monsieur Skalpovic. Et que les voix qu'on entend derrière, les ghost voices, on va dire. Laisse-moi deviner. Je t'en prie, devine. Indila. Indila, ouais. D'accord. Donc voilà, j'ai eu la chance de. On a travaillé ensemble sur ce titre, et du coup, ils m'ont vraiment emmené dans leur univers musical. Et moi, avec ce que j'avais à raconter, etc., c'était vraiment. On était vraiment en symbiose sur ce titre. Et justement, le morceau Kingston, c'est pas que c'est un peu le même genre de morceau, mais c'est le genre de titre, toi, qui font voyager avec une autre musicalité. Donc quoi, plus reggae Kingston forcément ou pas forcément? Pas forcément. Pas forcément. Mais en tout cas, voilà, qui inspire au voyage et voilà des musicalités un peu plus aériennes. Donc j'aime bien aussi explorer ce genre de musique, voilà. Bon, Kingston, on va l'écouter avant la fin de l'émission. Ouais. C'est une grosse exclue. Ouais, c'est vrai. C'est sur l'album Tug Wave qui sortira le 23 juin. C'est ça. Dans un mois maintenant. Kaina avec nous et par téléphone, juste avant, se présente Biram d'Orly. C'est Biram, c'est bien ça? Ouais, Biram. Salut, bienvenue, Biram. C'est mon nom d'artiste. Mon nom d'artiste, Biram, ouais, d'Orly, du 9-4. Bah, bienvenue, 9-4. Biram. Voilà, merci. Je te présente Kaina. Salut, Biram. Ah, big up à Kaina Samet. Merci, mon pote. Est-ce que tu es prêt à rapper, Biram? Ouais, je suis prêt. Eh ben, on y va. C'est parti, coup d'envoi, session freestyle par téléphone. Un, dire. Ok. Hello, miss, what's my name? Comment tu fais pour sortir ça, sortir ce qu'on aime? Moi c'est baby style, la street c'est le thème. Ça me colle à la peau avant mes premiers freestyles. J'ai pas plus d'état sonos, c'est ma station à l'antenne. Ma bouche et le canon, comment ça va arrêter une balle? Aïe, j'suis pas venu faire le lover, j'fais mon rap. C'est mytho des rap, car j'suis du genre d'opéra. Si tout protège une motherfucker, les étapes de ce game c'est trop évolution. Mon cas, le texte, je suis placé comme un rocker en tête pisse. Quand on tourne les meufs, j'ai fait là et la fête, yes. Je me surprends avec micro, une substance magique et tout le monde est dépro. Je compose des features dans mes eyes, c'est pas que t'es pétine, tu connais, c'est pas la soupe. Augmente le volume de ce truc gangsta shit. Quand le GS débarque, ça sent la gange et hit. Je veux expert sans hitch, je veux d'abord la signature, mon chèque. Pitch, je sais que c'est le moment de sortir, ça la gifle du chèque. Riche, j'ai pas le cas, mais ma plume est en or. Tu peux toujours attendre que quelqu'un le sort. Oh, c'est la soupe d'enfoiré. J'ai deux rames dans la tête, je suis une machine, il paraît. Il se pourrait que ce projet devienne ce chronique 2 et que ces deux miens me copient, ça devient comique. Laisse tout faire, je prépare ça comme je peux. Maintenant t'es servi, tu trouves ça merveilleux. Attends d'écouter la suite, on aura plein les yeux. Maintenant tu réalises, ce n'est pas du taf de paresseux. Est-ce que j'ai l'air de déconner? J'ai appris cette mélodie dans la tête, mais ma voix pour ceux. Ok, Biram à l'instant d'Orly en freestyle par téléphone. Merci à toi, Biram. Hey, il y avait des messages pour toi. Hey, il gère, il a un flow, nanana. C'est cool. Merci. Ouais, on soutient, c'est bien. Ça tue. Voilà, bah, en fait, je prépare un projet actuellement. Ok, bah vas-y, balance. Sur, ouais, Protéine 2. Voilà, c'est une mixtape en téléchargement. J'ai déjà sorti j'ai déjà sorti Protéine 1. Et voilà, donc là forcément, c'est le second volume. Je dédicace à tous les potos, la famille, et voilà. Orly. Et bah, allez-y, allez-y, le 9-4. Et bah, allez suivre Biram. Merci à toi, Biram. Merci, Biram. Ah, bah, il est parti. Ah, et ben, Biram, non, là, big up. On a perdu Biram. Un orage sur Orly, ça a coupé. Hop, non. Et ben, merci à toi, Biram. Big up à toi, merci beaucoup. Hein. Y a pas de problème, merci. À bientôt, big salut. Passe une bonne soirée, reste avec nous sur Skyrock. C'est Kaina, notre invité, entre 20h et 21h. Ouais, on est là. Kingston, on attend un peu. Ouais, on attend un peu. On attend un peu tranquillement. Ouais. On va pas le balancer maintenant. Non, alors, là, je propose que l'on mette le medley de First Mike. Ouais, carrément. C'est vrai que, pareil, on a balancé ça sur les réseaux aujourd'hui, donc vous pouvez le trouver. Il y a un lien YouTube qui est sur mon Facebook officiel pour retrouver le mix de mon ami First Mike. Qui est là normalement. Mike, t'es là? Tu veux dire un petit mot? Voilà, prends le micro. Bonsoir. Quelle voix. Attends, Mike. First Mike avec nous aussi, qui a préparé ce medley. Voilà. Medley où on retrouve. On retrouve quelques extraits de l'album. Quelques extraits de l'album, hein, c'est ça? Hein, ouais, exactement. Arrangé, remixé. Des surprises. Ça annonce un album lourd. Et bah, Tug Wife arrive le 23 juin. En attendant, il y a déjà le medley, c'est ça. Il avait les mots, j'étais sous le charme, à deux sous le préau. Il avait les clés de mon vague à l'âme, il était mon héros. J'ai masqué les bleus, le mascara, je suis tombé de très haut. Vivre sous les coups d'un homme est un fléau. Bousillé, il m'a bousillé. Tes potes passent avant moi. T'es incapable de me parler. Et toi tu fais ta life. Et moi j'ai laissé aller. J'ai dû faire avec tes défauts. Mais je ne vais plus chialer. Juste ta main dans la mienne me faisait décoller. J'aimais ce que tu m'offrais. Nous deux c'était trop vrai pour une fois. Je t'aimais. Comment t'as pu me blesser? J'ai dû savoir et que rien jamais. Perdu dans ma tristesse et je ne cherchais plus aucun remède. Froide, glacée par les regrets. Le temps était si long et j'ai presque failli perdre la tête. Toi, tu es comme un secret qu'on partage pas. T'as ressuscité mon cœur, t'es ma love. Et ouais, t'es my love. danse ou pas? Ouais, ouais. À l'instant, le medley, on peut applaudir First Mike et là, qui a réalisé merveilleusement bien. C'est le refrain. C'est ça, oui. J'ai oublié ce refrain, First Mike. Faudra le rajouter pour demain. Mortel, putain, ça me fait plaisir d'entendre mes plein de petits bouts comme ça, plein de petits bouts. On arrive à déceler des choses. Dans un instant, on va vous balancer Kingston. C'est un morceau, donc ça, c'est une grosse exclue qui est enregistrée, qui est née comment d'ailleurs, ce morceau de Kingston? Alors en fait, ce morceau, c'est le premier que j'ai fait pour ce projet. Donc, il y a 2 ans alors. Voilà, c'était il y a 2 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans, ouais, c'est ça. Donc l'histoire de ce titre, c'est que j'étais à Paris, il pleuvait, un peu comme aujourd'hui. Mmh. Et j'écoutais des prods et j'ai reçu cette prod qui m'a fait voyager et j'avais envie d'écrire un morceau. Tu sais, les moments où on a envie de tout laisser, partir à Orly comme notre ami tout à l'heure, tu vois, prendre un avion et se barrer en vacances au soleil, voilà quoi. Loin. Donc, exactement. Donc je raconte dans ce morceau. De toute façon, on va l'écouter. Il va parler de lui-même, mais un peu tout ce qui peut nous saouler dans un train de vie, un peu métro, boulot, dodo, etc. Les choses qui peuvent mal se passer et l'envie de partir au soleil et de plus rien calculer, tu vois, de voilà. Mmh. Donc c'était l'esprit du Kingston. Pourquoi Kingston? Parce que la prod s'appelait Kingston et que je trouve que c'est un beau mot, le nom d'une ville importante. Le nom fait voyager. Voilà. Le nom fait voyager à l'image de l'instru. Donc comme c'était vraiment ce truc-là que je voulais faire sur le morceau, j'ai laissé Kingston et ça, c'est vrai que ça fait voyager. Bon, est-ce qu'on le balance maintenant ce morceau? Écoute, 20h36. Ah non, 20h37. 37 même, ouais. Pour être très précis. Avec je plaisir. Crois que c'est le moment de le balancer. Avec réaction plaisir. Tout de suite sur ce morceau Kingston. Allez-y avec le hashtag Kaina Samet sur Skyrock. Coup d'envoi. Yes. C'est exclu dans Planet Rap. Ça sort le 23 juin. Ouais, ouais. C'est matin où le réveil se met à sonner. Pas envie de faire l'effort. Laissez-moi n'essayer pas de me raisonner. Pas envie de faire. Déplacer les montagnes, toujours être fort. Sur la boussole de mon destin, j'ai failli perdre le nord. J'ai retrouvé le sourire en fouillant dans mes poches. J'ai vu le monde changer d'époque et de fusil d'épaule. Dans mon paradis, je m'imagine un palais. Une autre vie qui m'enlèverait l'envie de m'en aller. J'ai choisi de tout dire et d'assumer mes fautes. Les coups du sang m'ont fait grandir, j'ai trop coupé le taux. Mais ça c'est fini, fini, fini, fini, fini, fini. Mais ça c'est fini, fini, fini de faire l'effort. Tout ça c'est fini, fini, fini, fini, fini. Fini, tout ça c'est fini, fini, fini de faire l'effort. J'ai rêvé d'être libre et de plaquer la porte. Pouvoir faire le vide et crier au effort. Renvoyé de mon taf, j'ai quitté mon poste. J'ai pas envie de faire la gueule ou de gifler mon poste. J'ai décidé d'arrêter, de pleurer sur mon sort. D'envoyer tout balader, ouais j'ai même coupé mon phare. M'évader d'ici, partir sur un voilier. Payer mes dettes et régler mon nom de la boîte aux lettres. Je n'ai qu'une seule envie, représenter les nôtres. Alors je donne de ma personne pour faire chanter les mots. Mais ça c'est fini, fini, fini, fini, fini, fini. Mais ça c'est fini, fini, fini de faire l'effort. Tout ça c'est fini, fini, fini, fini, fini, fini. Tout ça c'est fini, fini, fini de faire. Planète Rap spéciale Kaina Samet. Ah, il est fort le morceau, hein. Merci beaucoup. Ça joue, hein. La prod, c'est G. Ouais, la prod, c'est G, ouais. Donc, alors attends, je me tourne vers les messages. Ouais, Kingston, j'ai... Kingston, j'ai rêvé d'être libre. Ah oui, ça c'est les paroles qui arrivent. Je vais l'user, je vais le saigner ce morceau. Je suis musicalement amoureuse de ce son. Tout y est, texte, son, voix qui arrive. Pff, attends, j'arrive plus. trop frais, félicitations. Pourquoi personne ne veut comprendre que Kaina est sur le trône? Ah ouais. Quel trône? Ah ouais, trône. Il est haut, le trône. Allez-y. Merci beaucoup, merci ouais, à tous. Ouais, ouais, ça, bah, c'est j'ai fini, vu. fini, ouais, ça c'est le refrain qui ouais, ouais, ils écrivent les paroles et tout. J'aime trop Kingston, lourd, Élise t'es belle, ça c'est Ayoub qui fait une déclaration à Élise. Elle est dans la salle, non? Bon. Sinon, voilà, elle sera contente de le savoir. J'ai hâte d'écouter Kingston, on le remettra, vous inquiétez pas. C'est du lourd, voix magnifique, Kingston Century, bon, ouais. Ouais, merci à tous, merci Fred, et franchement, ça me fait bizarre, ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à, voilà, envoyer vos réactions sur le titre. Dites-nous ce que vous en pensez. Enfin, on est en train de le lire là, mais voilà, c'est toujours une certaine émotion de lâcher un titre et voilà quoi. Bon, on le retrouvera le 23 juin en tout cas dans voilà, les bacs. Donc c'est une des ambiances musicales de l'album. Il y a 12 titres sur l'album, donc ça part un peu dans tous les sens, mais ce morceau-là, voilà, c'est un des premiers qui est né. Et depuis, il y en a eu plein d'autres dans plein de styles différents. Restez là demain, vendredi, il y a d'autres surprises. Donc voilà. Eh ben, on va découvrir ça toute la semaine entre 20h et 21h. Et puis, la grosse surprise aussi de vendredi, on le rappelle, c'est chanter avec Kaina ici dans le studio. Ouais. Donc chanter avec moi ici. C'est le moment où jamais d'y aller, de s'inscrire. Il vous reste encore grosso modo 24h. Donc, ouais, dépêchez-vous. Voilà, il reste 24h. Moins maintenant même d'ailleurs, j'ai envie de dire. Toutes les infos sont sur mon Facebook officiel. Voilà. Faut se 1, 2, 3. Se filmer. En train de chanter Mon Paradis et nous envoyer la vidéo. On a déjà fait une petite présélection, mais il reste encore de la place. Donc, faites-le, tentez votre chance et voilà, ça sera un plaisir de chanter avec vous. Bon, avant de se quitter, on remet Mon Paradis. Ouais. Allez, Mon Paradis maintenant sur Mon Skyrock. Mon Paradis, yes. Ça, c'est un extrait, on peut l'avoir tout de suite si on commande l'album là. Voilà, on précommande l'album, le titre est là, il y a le clip aussi qui est dispo. Et l'album, c'est Thug Wife. Kaina Samet, notre invitée dans Planète Rap tous les soirs. C'était une belle journée de soleil, on marchait sur la promenade des Anglais. Petit fige, dans tes bras, à la sortie de l'école. Dans mon rêve, j'écrivais des poèmes. Je me voyais te les chuchoter à l'oreille. Et je pensais pouvoir toucher les étoiles là-haut sur tes épaules. J'ai rêvé que je te serrais dans mes bras, que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid. Et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Parfois, repose en paix. Un beau jour le paradis t'ouvre ses portes. Moi j'ai promis à maman de rester forte. Papa repose en paix, repose en paix. Repose en paix. Repose en paix. Notre histoire est cachée dans nos rêves. Je me souviens de chaque sapin de Noël. Auprès de toi était déjà pour moi le plus beau des cadeaux. Je te voyais souriant dans mon sommeil. J'espérais que jamais rien ne me réveille. Tu serais toujours présent dans ma mémoire. J'ai ta voix qui résonne. Reste auprès de moi. Ah bah ça fait plaisir cet engouement. Franchement, de ouf. En plus ça fait du bien parce qu'on sort d'un morceau qui est quand même assez Ouais, assez, mais tu vois, c'est la force long, du morceau. Plein d'optimisme, ouais. C'est vrai, ouais. Enfin, c'est la force du morceau, voilà, c'est mon morceau, donc je peux pas te dire autre chose. C'est vrai que je suis contente d'avoir pu parler de quelque chose de pesant et de triste de manière légère et enfantine, tu vois, quelque chose de léger dans l'air. Ouais, c'est vrai. Merci. Non, c'est vrai, c'est et puis voilà, et puis il y a quand même cette touche d'optimisme, voilà, de, ouais, bah ouais, il faut la vie, continuer à sourire. Voilà, ça continue, il faut continuer à sourire, exactement. Il y a des choses belles qui arriveront forcément. Ouais, et puis voilà, je pense que voilà, il aimerait que je sois souriante et épanouie, donc voilà, j'essaie de l'être au max. Et puis t'as vu chanter aussi, t'as vu ? Ouais, ouais. Il y a pas non plus regret, bon de se dire, parfois il savait, il m'encourageait, donc voilà, mon père c'était quelqu'un de très positif et voilà, il y avait pas de tabou, il y avait pas, c'était un peu comme mon pote quoi, on va dire. Donc, voilà, j'ai perdu un père et j'ai perdu un pote et voilà, je suis contente d'avoir fait ce titre. La musique pour moi c'est là où je dépose tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce que je vis. Et je suis contente de l'avoir mis en musique de cette manière-là. Et tu te souviens justement, c'est lié à la famille, vachement à la musique, toi, c'est les gens qui t'ont donné envie de faire de la musique, de chanter. Franchement, je suis la première parce qu'il y a ma petite sœur qui suit et ma fille derrière, donc on va bientôt faire un girls band, mais je reviendrai pour en parler. Ça arrive, ouais, ça arrive. Mais non, c'est vrai que je suis la première dans ma famille. Ma mère me dit que quand elle était petite en Algérie, voilà, elle était dans la cour et elle chantait les chansons de France qui lui revenaient. Donc elle avait cette envie de venir à Paris et de chanter, mais c'était juste une envie parce que ma mère elle chante pas très très juste. Maman, je pense que tu m'écoutes, je te fais un gros bisou. Oh, le coup de pression hein, maman. Non mais elle le sait en même temps. Ouais, voilà, par contre elle fait super bien à manger. Ah bah écoute, pas tout à... par contre toi, voilà, par en contre, bouffe moi, ouais, c'est pas gagné. Si c'est pas mal. Si c'est pas mal. Si, bah, ah, on se débrouille. Bon bah on attend. Je te ferai un tagine au citron, un de ces quatre. Regarde Momo, ses yeux ils sont dirigés vers moi direct. Bah, moi aussi, attends, tous les deux, Momo et moi on est des sacrés gourmands. Voilà, bah écoute, on va dire que non, mais on aime bien manger, c'est normal. Moi je suis méditerranéenne, voilà, je suis niçoise, je suis algérienne. Et puis non, mais pour revenir à un homme mentant. Ouais. Pour revenir au mouton noir et à la musique. Voilà, donc les souvenirs, la musique, mes souvenirs musicaux, c'est les disques de funk de mon grand frère. Voilà, on écoutait des voix américaines comme ça qui groovaient de fou. Donc moi, je kiffais et je reproduisais ça. Et ensuite, le rap. Mais sinon, ma mère, elle écoutait beaucoup Jacques Brel, Edith Piaf. Et ça m'a donné aussi le goût donc de l'écriture. Les textes, les voix. Voilà. Avant de chanter, je pense que j'avais un espèce... Enfin, je me rappelle, j'avais un journal intime et voilà, j'écrivais des rimes en fait. Et voilà, c'était des poèmes. Après, ça s'est transformé en chanson. Et donc voilà, j'ai eu le goût pour l'écriture et la musique, on va dire, en même temps, quoi. Très bien. Et ben, on en saura encore plus demain avec toi, Karina. Demain, avec confession plaisir. Encore. Ouais, bah, ce sera entre 20h et 21h. Et juste avant de se dire au revoir, on fait tourner la roulette. Ouais. Skyrock t'offre le film événement Godzilla et ton lecteur Blu-ray 3D. Salut Inès de Lyon. Allô Inès. Oui, ça y est. Ça y est, on est connecté. Ça va, pas trop d'orage du côté de Lyon? Non, non, ça va, il pleut pas. Toi, t'es bien, vous êtes bien, c'est plutôt sud-ouest qu'on s'est morflé, Midi-Pyrénées, je crois. De quoi, Inès? Non, je disais que je m'entends à la radio, c'est un truc de malade. Bah... Attends, on rigole pas, nous, t'appelles, tu passes. Je crois que c'était une blague, Inès, que t'allais pas passer en direct à la radio? En tout cas, t'as un très beau prénom. T'as un très beau prénom. Gentil, ah, ouais, le plus beau de tous. Le plus beau de tous, non, franchement. Ah, merci beaucoup. Je suis sûr que si t'avais une fille, tu l'appellerais Inès, en fait. Mais franchement, c'est possible. Bon Inès, on fait tourner, c'est parti, rapide. C'est parti. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. Elle est Inès, hein. Ouais, allez, Inès. C'est pareil aussi, elle a raison. C'est pareil. C'est tout le temps. C'est ok, c'est le prénom. Inès. Oui. Pour toi, il y a qui? Il y a ta frangine, il y a tes potes derrière, il y a qui avec toi? Ah, il y a ma mère, il y a mon père, il y a mon frère. Gros bisous, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout le monde. Et bien, vous irez tous au cinéma. Salut. Godzilla, il y a 4 places de ciné, donc voilà, vous pouvez y aller en famille. Voilà. Le film événement qui est sorti il y a une semaine, film Skyrock, et c'est pour toi, Inès. Trop bien. Et bon, t'as fait plein de bisous. Je peux passer une dédicace avant? Vas-y, vas-y, Inès. Bah oui, bien sûr. Alors, Inès. Il y a une dédicace à ma classe Terminal Mercatif au lycée Jean-Paul Sartre à Bron. Surtout à ma foufouna Badis. Ah bon? Je savais pas que tu les donnais un petit nom. Et à mes parents aussi. Et à toute ma classe, surtout à ma classe. Et allez, surtout à toute gros big up à ta classe. Eh ben ça roule, ouais, Inès. À ta famille. À bientôt, Inès. À bientôt, bisous. On te fait un bisou. Et bah, bon courage pour le bac. Ça approche, toi, alors, c'est en terminale, bah ouais, Inès. C'est bientôt, là. Ah, ouais. C'est bientôt. Bah, bon courage, on croise les doigts, Inès. Bon courage à tous ceux qui préparent leurs examens. Merci. Ouais. Un gros merde à tout le monde et à toi aussi, Inès. Voilà. C'est ça. Ciao, bisous. Ciao, bisous, bisous. Passe une bonne soirée, Kaina. Merci pour cette belle soirée encore. Ben écoute, merci à toi. Merci à tous ceux qui étaient encore là, tous ceux qui ont envoyé des messages. N'oubliez pas que l'album est en précommande. Et puis, on revient demain. Et demain, même s'il n'y a pas de soleil, t'inquiète. Demain, il va faire 40 degrés ici. Ben, je n'en doute pas un seul instant. La température va monter. Elle monte aussi, puisqu'il y a 10 foules maintenant. Ben ouais, il y a 10 foules. Juste avant. Ah. Non, je voulais faire un gros big up à VIP Sun. Voilà, on parle de soleil. Voilà, j'ai placé mon big up. Eh ben, et donc, c'était qui? Ah. Il est... T'es c'est par téléphone, tu es où? Mais où est-il? Où es-tu? Je suis derrière un camion poubelle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Même dans les camions poubelles, ça écoute K-Rock. Sous la pluie. La radio, là, sous la pluie. Ah. Et qui prend son temps pour. Ah ouais, d'accord, je comprends. Oui, alors, les amis du camion poubelle, avancez un peu. Ma femme, ils en vident quelques-unes, là, et ils nous laissent la place. Donc, on arrive dans un instant en direct sur K-Rock. Eh ben, super. Bon, je suis l'invité mystère. Ah bah, ça klaxonne. C'est nous. Bon, on arrive tout de suite. On aura un invité mystère à découvrir ce soir, là. D'ici quelques instants, restez bien avec nous. Ah ouais. Ah, surprise, j'en dis pas plus. T'es pas au courant, garçon? Non, moi, je suis pas au courant, moi, gros. Non. Des indices. Garçon, fille. Un garçon. Américain, ouais. Français? Pas américain. La question qui tue, quoi. Non, français. Français. Okay. Français. Je vous dirais d'ailleurs d'où il vient en France si vous n'avez pas trouvé qui est notre invité mystère d'ici quelques heures. C'est large, là. Hein, un garçon en France. Ouais. C'est que ça va faire plaisir à plein de monde. Ah. Voilà, on va lui faire plaisir nous aussi ce soir. Ah donc bon. À découvrir. Bon, bah vous écoute, on attend ça. Nous on attend les 40 degrés demain, donc dans. Carrément. Prends ta crème solaire, hein. Ouais, parce que si on prend le parasol, Romano amène son parasol. Si on prend le parasol, on s'envoie sur tout le temps, on sait jamais. Voilà, super. Donc demain, 20h-21h, Planète Rap avec Kaina Samet, toute l'équipe arrive, on est là dans quelques secondes. Le temps de mettre la pub et on arrive juste derrière, on va se mettre Chris Cab aussi pour démarrer la soirée. Il y a un clash de la drague qui est prévu ce soir, le Top Bug aussi. Et puis évidemment, vous toutes, en direct, il faut appeler au... 01 53 40 30. Ah voilà, putain, heureusement que je vous aide, les gars. Duo, Samy et Fredo. Bien sûr. Quelle équipe, quelle dream team. Sur les réseaux sociaux. Bon, et le Skyrock.fm et l'appli Skyrock et le 41759, on vous attendez maintenant. C'est parti. Et à demain. D'envoi. Ciao. À demain, Fred. À demain, Krina. À demain, Krina. Bye. Bye. Tous les matins.